بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بن فرير ابن سير الله سبحانه وتعالى لي beaucoup beaucoup content رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لي beaucoup content رسول الله صلى الله عليه وسلم نپوت کی سنا کی بو امیت رسول الله صلى الله عليه وسلم لي poursuiv رسول الله صلى الله عليه وسلم Libamène sur la vie 24 sur 24 d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Libusuiv sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala pour beaucoup beaucoup content lui. C'est lui qui a tassé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement avec la mousse, mais dans la pratique. Et la sunnat l'oli, les mots pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les failles pour obéir à lui, les mots pour suivre sa sunnat, les comptes à sa sunnat, les getli, ou que tout sunnat, Quran, hadith l'oli, sajimullah, les juillet de tranquillité de la dunya, et Allah ta'ala, beaucoup goda hajimullah. Ben frère, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, qui celui qui a avant de faire wazou, Allah fait encore beaucoup de jibes de la sunnat. Beaucoup, beaucoup de jibes de la sunnat. Plus fort qu'il m'a tombé que ça. Celui qui est arrivé avant de faire wazou, il dit Bismillahi walhamdulillah. Facile. Bismillahi walhamdulillah. Allah ta'ala, pour faire une farista, il m'a dit pour lui tant qu'il a wazou l'oli. Et savoir pour qu'on t'y manque pour lui, tant qu'il a wazou l'oli. Facile. Bismillahi walhamdulillah. Et dis-moi ce wazou. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui envoie 100 daroud 100 fois par jour. C'est lui qui envoie daroud 100 fois par jour au moins. Allah ta'ala pour accomplir 100 soban nécessité sur mon travail. Quand on l'a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui envoie 100 fois d'aroud par jour au moins. Allah ta'ala pour accomplir 100 sur ma nécessité, sur mon travail. 70 suffit pour akhirat, 30 suffit pour dunya. Qui te raconte à gagner? Ben frère, ben sœur, un déquier qui a tassé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les huit en tranquillité, extra de dunya même. Ban qui peut suivre sunnat. Ban qui peut suivre sunnat. Qui ne trappe sunnat faux. Zot qui peut vivre sukoun dans la dunya. Zot la vie est là. Barakat. Un djimoun qui fait beaucoup d'aroud. L'amour est grandé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manifesté dans lui. Une fois, Hazrat Ubay bin Ka'ab, radiyallahu anhu be rapporté qu'en femme vint demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi vais d'arroud beaucoup le haut tous les jours, mais qui quantité m'a besoin d'adopter sa pratique là? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, fais les quantités qui te désirent. Alors, le bédier m'a dit, est-ce qu'il m'a fait aller un quart de mon temps libre? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, fais aller quantité qui te désire. Si tu augmentes l'île, il peut meilleur pour toi. Ubay bin Ka'ab, il va nous dire, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il m'a fait la moitié de mon temps libre? Augmente l'île. Est-ce qu'il m'a fait la moitié de mon temps libre, augmente lui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, quantité qui te désirait, si tu augmentes lui, il pour meilleur pour toi. Alomu de Manako, est-ce qu'il me fait des tiens, moi, les temps libres? Est-ce qu'il me fait des tiens, moi, les temps libres? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, quantité qui te désirait, si tu augmentes l'île, vous m'ayez à boudoir. Et finalement, je viens avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, me prend tout mon temps libre, moi, va y dans rouleau. Et qu'il dit là, me prend tout mon temps libre, moi, va y dans rouleau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, ça vous suffit pour tout le monde tracas et tout le monde péché pour pardonner et ban difficulté pour pouvoir approcher toi. Beaucoup d'arroud. L'autre place, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, qui tout le monde tracas dunya et akhirat pour enlever. Quand tu as adopté d'arroud, tu l'as vu beaucoup. Ben frère, celui qui vient d'arroud beaucoup, l'amour pour sa dimouna a augmenté dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Et celui qui pratique sunnat, écoute-moi bien, que toujours dit dimoun néglige sunnat, tu guides dimoun dans le monde qui peut suivre sunnat, tu guides dimoun dans le monde qui peut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dimoun, beaucoup dimoun sunnat, il n'y a pas de fardeau. L'égalité du monde qui peut dire, la société qui peut dire, ban kafir qui peut dire, nous égalité pour suivre nos modèles qu'Allah a envoyé. Il y a une fardeau pour nous, c'est qu'il y a du monde dans le monde qui peut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de programmes pour faire toutes les semaines. Écoute-moi bien. Parfois, dis-moi, je vais être dans deux programmes. Vous voyez, vous êtes. Au bout de tout le monde, on a qui mange d'après sunnat. Quand vous faites un programme, vous avez mangé un biryani, non? Au bout de un mal, il y a qui vient dans mon programme, qui mange d'après sunnat. Dis-moi, loin avec sunnat. Loin. Quand vous pratiquez sunnat, comment vous avez? Quand vous mangez pour sunnat, ça m'a dit, on va voir si faut qu'il y ait un hadith là. Si nous mettons ça en mal dans la vie, nous faisons un mal là. Nous mettons ça dans la vie 24 sur 24. Quand nous pouvons, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, batannou la kabar. Radda masjid qui bise en lire, sorti de masjid qui bise en lire, radda la case sorti, radda toilette sorti, quand me fait oiseau, quand fini fait oiseau, quand me plaise, quand tient l'aise, quand get de la glace, chaque action est un doigt, un oisifa qui bise en faire. Celui qui a tassé que c'est un oisifa là, et il pratique sunnat, quand il meurt, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, patan li de kabar. Parce qu'il y a une revive sunnat. Dans cette époque-là, maintenant, ça a été sunnat. Celui qui te dit, fais avec moi sunnat, Rasulullah sallam. Maintenant, ça a été sunnat. Celui qui te dit, fais avec moi sunnat. Rinda fassadi oumati, que fitna pour un abandon, fini arrivé. Les bougais sont shahids, ça sawab, pour un sunnat. En face de moi, Ismaël, écoute-moi bien. Dans l'aine, quand l'intégral, le grand la Sowali, mon Ismaël l'Alain, grand la Sowali, sunnat de l'Oli, ban frère, suis ban jimoun qui pratique sunnat. Qui est madame de Parda, suis ban jimoun qui mort pour sunnat. Pour la lumière de la vie. Alors mon Ismaël, sunnat de l'Oli, sur Amama le sur la tête, belle la barbe comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Un femme qui fait ça, elle est là, elle sur la barbe comme ça, couverte sur l'estomac. Belle! Gros, belle la barbe couverte sur l'estomac. Alors, mon Ismaël, sunnat, ben le lit, quand il te calme, dis plein de ce maillot. Plein, défoncé, place pleine. Dis-moi là, quand tu viens même, Dis-moi là, quand tu viens même. Mais t'as de boulet maillot. C'est tant qu'il a dit, t'as de boulet maillot. Et l'autre mot là, dans Banjimoun, il y a une connexion spirituelle avec mon alias sur le quai, mon Ismaël sur le quai, pardon. Après ça crache. Le quai est le quai d'une connexion. Parfois, vous pensez à Banjimoun là, où tu veux bien rentrer. Dans les arrivées, vous pensez à Banjimoun là, où tu veux bien rentrer. Où fait que tu penses toi là? Le quai est le quai d'une connexion. Ban Allah, voilà, c'est une connexion spirituellement, le quai est le quai. Ça, moi, là, qui dans ma yacht, là, mon Ismaël, il te calme, লেখিয়া কো নিকতি আপনা কাশ হ্যাঁ তোমার পেয়ে মুটিলে মাদিনা মুনাওয়ারা সাহেব খুদ আলী আল ফুরকান ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ মরম হ্যাঁ তোমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পেয়ে মুটি দাও দামাক দিয়া মুনাওয়ারা বান সাহাবা পেয়ে লাগিয়ে দাও ইহাক লাবা লিদে বুদ্ধে দে ইয়া সারিয়াল জাবাল আল জাবাল সারিয়ার আবা খমরে দেগে দাই হাক লিলুয়া গেল তোমার আল্লাহ আল্লাহ পাবিজা খেছো পাবিজা খেছো মনে আল্লাহ ফেছো লাভুয়া দেবি মাদিনা হন দাই হাক বিকজ পো মোবাইল ফোন হা তোমার সে মোবাইল ফোন নি খেছো না মাদিনা লাভুয়া লাল দাই হাক ইয়া সারিয়াল জাবাল আল জাবাল সারিয়া রাগলে ওয়াল হুয়া ইনি দান লাভুয়া হা তোমার নিনি দে আল মোটাই দে মোটাই লেমি তাকে দে মোটাই প্রপোজাল cash avec la cash et n'a niveau spirituel pour rentrer à l'esprit ou ban qui so que tu pas comprendre tu as courant dans le fond d'ordine ou fait ibadat dans le fond ou pas faire gouna avec les yeux pas faire gouna avec les oreilles pas faire péché avec la bouche pas saluer le cœur avec ban qui so le modèle à l'aide au niveau spirituel pour augmenter ou pour trouver qui so que tu ne pas trouver ou pour comprendre qui so que tu pas comprendre. Alors Moana Ismaïl cause le qui avec Moana dégager faire mon janaza le mayad vid parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam piatan moi d'akhabar pédé bon nouvelle de la dunia attachou avec sunnat chigit jimoun ki batik sunnat chigit beaucoup jimoun tout le dos avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ayad il finit beaucoup jimoun de namaz janaza ban ulama fil ghayni envie qu'on ait qui a mal l'habitude fait mon Ismaïl rahmatullah alay à l'apprendre qui tout ça va nous oisif à la il va manquer rentre dans ma dite saute dans ma dite rentre dans la case saute la case met plein saute tout ça va nous oisif à dans doua là il met ça en mal en met ça en pratique il pratique sunnat qu'on va miser quand il mot il y a une bonne nouvelle fais le mon ama fais la main dans sa vie. Je vais t'aider parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam patan mada kabar, je vais donner taklif. L'île facile. Moi, beaucoup de doigts m'ont pas, qui ne peuvent pas apprendre. Les bons mots de Dieu gagnent l'expérience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts m'ont pas, qui ne peuvent pas apprendre. Mon bâti dans le papier, mon colis, parce que vous avez fait action là. Car tu as beaucoup de doigts pour lire. Car tu as beaucoup de doigts pour lire. Mon col tout en dehors. Je me suis aussi molé à lui. Dans une semaine, je ne connais pas qui. Quand le cœur est attaché avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand pour moi, pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, où vous avez l'amour, il y a pratique cette sunnat-là. Pas plus de la traverser. Tout le monde a fait le dessin de la paix là. Il y a des connais pas qui. Quand il y a des manger, il y a des manger en bas nous. Il y a des manger là où il y a des manger. Il va manger comme un kafir. Il va manger en bas de Sarhan. Alors nous l'aide de Sarhan à doigts boulir. Quand il fait oiseau, de temps dans doigts bouffer. Avant, il a beaucoup de doigts boulir. Tout cas, tes doigts. Allez, fais un mal l'eau là. De pouvoir approcher avec de l'équipe pour connecter avec Rasulullah.